l'amour te reverrai un d'espoir et tu seras toujours comme je vois tous les soirs en ces rêves ensemble dans des sentiers peu goudronnés. Elle et René chercheront l'amour suprême. Toi, mon amour, qui est dans mes espoirs. Ah oui? Oh, ma chérie, nous irons à la messe de minuit avec Gaétan, elle qui est ma soeur amie, qui est ce soir partie mettre des dollars dans le comment? Dans l'abri, non, c'est quoi là? Dans le compteur qui nous sert de mensonge. Non, c'est le compteur d'eau. Voyons donc, compteur d'eau, c'est le véhicule, il est devant quoi? Il est devant un compteur de monnaie. C'est monnaie, c'est le peintre, ça? T'as l'air d'un peintre, là. On sent dessin. T'as l'air d'un grand peintre. Comment t'appelles ça, l'endroit où tu mets de la monnaie devant le stationnement, là? C'est le stationnement tamponneuse. Ah, bon, arrête de taponner ça, puis rentre de la monnaie. Attends, comment, combien j'ai? Ah, mon Dieu, j'ai 10 sous. 10 sous, j'ai 10 sous mon argent. Ben non, c'est le 10 sous. Nous sommes le 10 sous. Ouais, mais dans le compteur, ben ouais, c'est ça. 10 sous. Il manque juste 10 sous. 10 cents, 10 cents, 10 sous. 10 sous, 10, 10 sous, 10, dis-moi là. Ben, on veut te le dire, là. 90, 11, 85. Comment on fait ça, donc? 1. L'argent tombe de toutes parts. Attendez, on revient. On a des micros partout. Oh mon Dieu, quand je me pense, ça fait ça. Là, on ne me voit pas dans le... C'est merveilleux. On a une technologie de plus... On dirait que je suis constipé, mais c'est pas ça le but. OK. C'est... Il y a des micros partout. Je vous l'ai dit! Des micros au sous-sol, ici, là. Et des micros en haut. Si vous nous regardez sur les vidéos, allez voir errancerenaldiengoggle.fr. Il fait déjà sa pub. Ben oui, on fait notre pub pendant 2 heures. C'est ça le but de la manœuvre. Le 10 sous, on a le parcomètre. Merci, madame. Elle a été soufflée. On l'a mis dans la barre de la souffleuse, là. Puis on lui a dit, ah ouais, aide-le, parce qu'aujourd'hui, il rame, hein. Ça fait 10 fois qu'il recommence, là. Puis 10 fois le 10 sous. Ben, on a 10 fois le 10 sous. On est tapé. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, compte comme 4 cents. Ça n'existe pas, les 4 cents. C'est soit 5 cents, puis les 1 cent, là, c'est inexistant. Inexistant. Inexistant, Dieu. C'est presque une arme massive, hein? Puisque ça s'en va tranquillement. comme l'oiseau qui peut s'envoler. Alors, attendez, un, deux, trois. Arrête de compter, puis vas-y, rentre-la. Rentre-la, rentre-la dans la cueilloire à monnaie. Oh, la cueilloire à monnaie, dans la cueilloire, oui, attends ça. C'est en haut. Non, c'est en bas, toujours, les dents en bas. OK, les dents en bas. Non, non, pas tes dents à toi, mon imbécile. Voyons donc, les dents du compteur. Compteur. Qu'il ne compte pas sur moi pour que je le gave de ma monnaie. Pourquoi? Parce que c'est sans doute de la fausse. Hein? Je reviens d'un pays où il ne pleut pas. Ah, mon Dieu! Oui, oui, bien... on m'avait dit qu'aux douanes, ça pouvait pas passer. Là. Puis, étrangement, j'ai mis ça dans ma semelle de motte. Dans ma semelle de motte, ben oui. Que je me suis acheté un pantalon, puis dans le milieu du pantalon, il y a une motte. Motte. M'a-t-elle dit. Là, écoute bien ça. Écoute. Ben ouais, on écoute, on est greffé. Ah bon, OK. Je tiens à te dire que ça s'est bien passé. Oui. Que la motte est bien tendue. Ah, mon Dieu, de monnaie. De monnaie. Pas le peintre. Ben non, pas le peintre. C'est jamais le peintre, là. C'est monnaie, la monnaie, le change. Ah, OK. Arrête, j'aime cela. Tu aimes cela? OK. Alors, pourquoi se freiner si on l'adore cela? Hey, qu'est-ce que tu dis? Mais ça, c'est la réplique de Dostoïevski. Oh, t'as eu de la misère, toi aussi? Ben oui, j'ai resté... Est-ce que tu peux remettre le... Oui, OK, c'est beau, ça. On m'entend partout? C'est partout, on t'entend. OK, 90. Parce que là, t'as fait jouer le change. Oui, on peut faire ça comme ça. Écoutez, un, deux. Comme ça, ici. Un, deux. Hey, c'est digital, ça, le round de l'Asie, comme ça! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais comme j'ai le stéréo universel. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le visuel universel et la sonorité également. Oh! Plus ça égale, plus ça s'additionne à l'intelligence de ce qui se passe. Ah, ben, c'est clair, ça, là. Dichou, alors nous sommes maintenant ce moment précis. Oui. Monsieur le Président, on va baisser le... Okay. Messieurs, merci beaucoup. Madame, merci. Gaëtan, merci d'avoir accepté de faire mon émission ce soir. C'est à la dernière minute, hein? À la dernière heure. En fait, c'était la dernière journée que, oui, on vous attendait parce qu'on voulait annuler, puis vous m'avez dit, non, on y sera. On vous remercie. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est avant le tremblement, tu sais. Ouais, bien, c'est ça. Quand j'ai tourné ma béchamel, je l'ai faite à l'envers, hein, puis... Ouais, ça a craqué le mur, mais c'est pas grave. C'est du plâtre. Ça va durcir. Tu comprends rien? Continue. Non, roule. Ben, roule. C'est comme la farine à pâte, là. C'est sûr que c'est de la pâte, c'est de la farine. Oui, la bombe à la farine, la pompe arrêtée, la police va arriver. Non, c'est un pétard à la farine. Oh, oh, tout. Monsieur le Président. Une pétasse à la farine. Okay. Messieurs, oui, elle est poudrée. Elle s'est poudrée le nez, elle, là. Elle connaît trop la couleur rouge ou jaune. Monsieur le Président, oui, Madame Jean Lelouze. Non, c'est Jean de Blouse. OK. Monsieur le Président, ah, vas-y. On part. Êtes-vous prêt? Attachez-vous, s'il vous plaît. Mettez votre ceinture. Toutes les ceintures, hein? De sécurité, ceinture de chasse menée, de chasse mêlée, de chasse crottée. Très propre. Elle était un petit peu crottée, mais on l'a nettoyée, donc... OK, écartez-la. Voilà. Enfilez-la. En commande dans une... Oui. Oui, c'est comme le fil. L'aiguille, il y a la chatte. Vous l'introduisez. Bon, voilà, merveilleux. Monsieur le Président, vous êtes prêts? Okay. Attachez-vous. On commence. On démarre. C'est beau. On l'a fait dessus, c'est beau? C'est beau. Monsieur le Président... Oui, c'est... Vous êtes ce soir dans une belle, un bel espace que nos contribuables ont payé. Ils s'en dessinent, ils savaient tant. Ils ont les aime. Payer, travailler. Et puis le type qui a écrit là, que le Québécois travaille, ne possède pas assise, il a pris nos taxes puis a passé une belle soirée, hein? Puis il voudrait qu'on travaille davantage pour lui procurer sans doute un champagne à volonté. Là. Ouais, c'est le pirate là, avec le perroquet. Ben, qui. Comment ça, c'est un mouchard? Mais qu'il se mouche, le mouchard. Le nez lui permet... Oui, il... Bon, on lui a mentionné, là, si vous voulez passer à mon émission, il n'a pas voulu. Les boîtes vocales, ben c'est ça, on va revenir. On a parlé la semaine dernière. On y était. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité. Oui, oui. Oui, mais ça a coupé court, hein? Ben oui, j'étais dans la canne. On a fermé à Cannes. Non, on n'était pas à Cannes, non. Non, le festival est terminé, là. Les prix, on travaille déjà sur 2013. Oui, on va avoir des extraits de notre émission là. Hey, on est du HD DVD. Ah oui! Bien, hein? DVD, HD. Achetez-les, là. Bon, c'est presque gratuit, c'est sur Internet. Bon, vous connaissez l'adresse, oui? Mm-hmm. Mais, OK. Bienvenue, là, continue à parler, hein. Gênez-vous pas, je suis comme le pianiste de bar, moi, là. C'est tu joues, tu t'époumonnes les doigts. Comment ça, tu t'époumonnes? Ben oui. Tu joues jusqu'à faire suer ta jointure. Puis là, les gens se discutent, là. Oui, il reçoit. Ah, mon Dieu, il y a Verita. Puis là, tu joues tant, là, l'autre. Ah, oui, c'est merveilleux. Tu dis, ben, allez-vous arrêter? Écoutez-moi, je pianote. Je saigne du bout des doigts. C'est quoi le livre de Bukowski? C'est Joyaux du piano sans se lécher les doigts de sang et sans signer Charles Bukowski. C'est ça. Ah, c'est merveilleux, ça. Bienvenue à la douce rénalité. C'est à peu près ça, hein? On est dedans. T'es-tu dedans, mon? Mais là, tourne pas parce que c'est le vinaigre qui arrive. OK. Bien, c'est Jésus a fait ça avec. Ouais, ben oui. Le tonneau est viré en eau. Ah, mon Dieu! C'est de l'eau bénite. Bienvenue à la douce rénalité. Pas de glace, moi. L'eau bénite, pas de glace, parce que ça vire. Ouais. OK. Les gens sont heureux, là. Ils comprennent tout. Ils sont dit... Hey! Ils se sont dit, j'ai dit. Sais-tu, c'est Radio Galilée ou c'est Coirel? Non, c'est Coirel. Okay. On s'excuse de nous excuser. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, attention, attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront chercher votre... Hein, c'est qui? J'ai dit qu'ils viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Est-ce que c'est comme les buffets à volonté? Ça vaut pas la peine, hein? C'est du pré-réchauffe. C'est du pré? Oui? Le bonheur se cache dans les prés. Bon. Non, je ne suis pas un prépubère, madame. L'absurde aventure de l'héros. Oui, je sais, je fais des blagues de première, oui. Première dingue, troisième twice. Twice, tin, twice. Winter is twice. Wine is twice. C'est merveilleux. C'est le succès va. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Coupe-toi pas de même, hein? OK, merci. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Puis là, j'ai pas l'introduction. C'est qu'est-ce qu'on fait? On passe à la musique ou on amène l'humoriste? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous allons vous la présenter. C'est la presque grande Sophie, une humoriste française, et j'espère que vous allez apprécier. C'est la première fois que ça nous arrive, mais on va faire ça comme ça. J'espère qu'on perdra pas de... Hein? On y va? Non, c'est... Elle va nous haïr. Ah! Oh! Exploding man. Well, eyes, all of my hands, all the dog. All dog is cool and smart. Smart time breaks the heart. Full dog bombs the moon. Devil in the marketplace. Devil in your bleeding face. Full dog bombs the moon. What a dog. There's always a moron, someone to hate, a corporate tie, a wig and a date, just a dog. These blackest of years that have no sound, no shape, no depth, no underground. What a dog. Fall dog is cruel and smart. Smart time breaks the heart. Full dog bombs the moon. A devil in a marketplace. A devil in your bleeding face. Full dog bombs the moon. What a dog. La technique, c'est ce qu'il y a de plus stressant. Après ça, c'est du plaisir. Ouais. Mais là, quand tout est fonctionnel, là, c'est fou. Là, on peut respirer, tu sais, tu fais de la santé. Ouais. Quand tout est prêt, les éclairages, le micro, et qu'il y a quelques personnes dans la salle, c'est ce qui, exact. C'est ce qui fait le spectacle. Ouais. Parce que quand on est tout ça, c'est un petit peu plus cher. Oui, mais sincèrement, je crois que tu sois devant 3 personnes et 500 personnes, le bouche à oreille, si tu te donnes et que les gens aiment ce que tu fais, et ça va aller loin éventuellement. Ça, c'est vrai. On a commencé, hein, je ne crois pas que le collège a commencé devant 2-3 000 personnes. De tout un tas de contextes, s'ils étaient une bande, enfin pour prendre le cas de Coluche. Et puis de l'année aussi, là, des années. Ouais. 2011, c'est pas facile pour personne. je te parle en art, c'est vraiment pas évident, même en restauration. Je sais pas, tout le monde, j'ai toujours entendu tout le monde se plaindre. Il y a des pays où on se plaint plus que d'autres. Hein? Ah oui, voilà, ici, oui, en l'occurrence, c'est le pays de la plainte. Ben, il y a beaucoup de monde aussi. C'est vrai. Plusieurs veulent avoir sa place au soleil, comme disait Charles Aznavour. C'est pas toujours évident. Et en haut de l'affiche. Oui. Qu'est-ce que je vais bien prendre? Et puis ça a bien fonctionné hier? Hier, il n'y avait rien hier. C'est, ok, c'est le dimanche? Ce soir. C'est uniquement c'est ce le dimanche? Soir. Ouais, uniquement le dimanche. Mais j'étais tous les soirs sur scène en fait parce que... Je fais énormément de plateaux en fait. Ok. Donc là demain, je lance le Comic Nana Band. Ça c'est un plateau que moi j'ai mis en place. Mais ce qui me plaît, c'est que t'es une fille féministe. Ouais, bah, comme un peu toutes les filles. On va... Non, pas du tout. Ah bon? Non, mais on va en parler, c'est bien. Ok, okay, ouais. Et ça, c'est mon show, donc c'est... De ce soir. Dimanche 18h30, ouais. 18h30? Ouais. C'est à quel endroit? Est-ce que c'est près d'ici? C'est pas très très loin, en fait, hein, la Pigalle... Ah non, non, okay, ok, oui, c'est ok. Alors, c'est le métro Pigalle. Ouais, métro Pigalle, pile poil. C'est... Ouais, mais là, je sors du métro et tu fais ton spectacle, là, à la sortie du métro. Précisément, disons, on va... Donc, il y a toujours du monde, mais il ne reste pas. Non, mais c'est ça, mais c'est des passants, métro. Alors ouais. Ils passent. Les passants passent. C'est leur métier. Donc, voilà, ça et ça, c'est vraiment les deux demain, donc je serai sur le Comic Nana Band. Si tu as envie aussi d'une invite, il suffira que tu me le dises, juste pour voir. Ça et j'y vais aujourd'hui. Tu vas aujourd'hui, oui. Donc je vais prévenir la Est-ce caisse. Qu'il reste de la place? Ouais, ouais, okay. Oui, oui. Okay. Oui, je te dis, il démarre le show, là. Okay. Donc, voilà. Il y aura peut-être une quinzaine de personnes au plus. Mais voilà, impec. Mais qui dit... Ah, mais qui dit, c'est le début. Et on n'attend pas la presque grande Sophie sur France. Hein, mais c'est combien de places? C'est un théâtre, en fait, tu vas voir, il est très particulier, parce que c'est un... Il n'y a pas d'air climatisé, comme tous les théâtres? Si. Ah oui, oh, excusez-moi. Ah si, okay. Si. Si, si. Mais c'est un ancien pipe show, en fait, pour tout faire, pour tout okay. dire. Donc, bah, il est vraiment décoré, il y a encore tout le côté bling-bling. OK. Et c'est ce qui lui donne son cachet, c'est ce qui lui fait que c'est un théâtre que moi j'adore vraiment énormément. Et ça s'appelle quel théâtre, là? C'est La Cible. La Cible. Attention, souriez, vous êtes ciblé. Ciblé. Alors, je sors du métro Pigalle. On va commencer l'entrevue plus tard, là. Ouais, pas de problème. Je sors du métro Pigalle et c'est à quel endroit? Alors, tu arrives donc sur la place Pigalle. Donc, tu as ton repère, ça va être les omnibus. C'est une brasserie que tu vois. Oui, je connais. Folies Pigalle, les omnibus, c'est ton repère. Et toi, donc, tu te diriges vers les omnibus et c'est la rue Jean-Baptiste Pigalle. OK. Jean-Baptiste c'est marqué, Pigalle. C'est marqué sur okay. le flyer. OK, parfait. Donc, c'est facile. Vraiment. Et là, j'arrive là, je me nomme. Et t'auras ta place. Je vais donner à la et caisse. Et on m'enferme dans les avis. Toilettes, c'est ça? Non, okay. Dans les loges. Dans les loges, mais oui. Thank you. What's the name? What's the name? Excuse-moi, ma Gaétane, oui. C'est parce que t'es pas habitué. C'est comme l'album de David Bowie qui s'appelle Life, Life of Lovies. Non, c'est Live of Lovers. Non, c'est Branche la vie. Lui, il fonctionnait avec deux micros. Hein. Un micro à 6 pieds de lui et un à 2 cm et 3 quarts, oui. Et là, l'écart était quand même assez étrange, comme vous entendez actuellement. Là. C'est, ça fait quoi? Ça fait Canis de Canis. Canis, on va l'appeler. Canis! Non, non, c'est parce que s'imagine que c'est un caniche, là. La caniche était. Non, c'est pas un caniche, là. On a un canisse. Ouais, mais là, c'est. Je veux faire l'uniformisation du son. Ben, c'est comme ça. Tu coupes l'autre, puis, hein, comme ça, t'entends pas le ventilo. Là. Entends-tu le ventilo, là? Eh oui! Alors, c'est biphonique. Moi, je suis monophonique. Ben, ah ouais, mon mono, vas-y. Alors, il y a une phrase de démarrage. Merci, Mabo. Mabo, mais qui, Mabo? Ok, Mabo M, c'est toi qui cherche l'autre rive. Tu ne veux point te mouiller. Oui, oui, c'est là, oui, on a, ok. Alors, nous avons ici un sac de démarrage. On vous l'a expliqué à plusieurs reprises là pendant les émissions qui ont précédé celle-ci, celle-là, celle-là. Maintenant, ici. Alors, je vais vous le répéter rapidement. Là. On va faire comme un résumé. Ah, mon Dieu, c'est beau, ça. Ben merci. On l'a pas encore fait, mais c'est déjà beau, hein? Ah, oh, c'est un chef-d'œuvre. C'est comme le peintre, là. C'est la toile blanche, mais ici, ce sera un chef-d'œuvre. En fait, c'est un peu comme Mohamed. Non, c'est Dali Salvador. Salvador, Salvador, Dom. Mon Salvador. Dans mon Salvador, dans mon Salvador. Dali, Dali, mon Salvador. Dali disait, je suis un génie. Là, je fais Salvador allemand. Là. Pas ni un italien, un espagnol, ni un nid. En fait, il n'est pas dans le nid, lui, il est à l'extérieur du nid, parce que les génies vont pas dans là-dedans. Hein, parce qu'ils savent qu'ils risquent de faire rire d'eux. Puis lui, ben, il sait que les œufs sont dans les nids. Alors, il nie le nid pour ne pas qu'on rie de lui. Hey, c'est beau, ça. C'est très bon. Ça va aller aux annales. Moi, c'est rénal. Oui, mais c'est rénal. Mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ça va aller dans les annales de l'émission et rentrer dans les anneaux, dans la recherche fondamentale des grands moments de l'émission Errance canadienne. J'ai eu chaud, voilà. Oui, ça dégouline. Oui, ma sourdine, ça dégouline. La sourdine n'est pas là? Non, eh bien, en fait, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est... Arrête, j'aime cela. Ah, OK, il aime cela. Elle aime cela. Est-ce que c'est il ou elle? Elle... Arrête, j'aime cela. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose sur lui ou sur elle. Mais enfin, c'est comme l'étrangeté du sexe. Selon Kokashim, non, c'est Kakashim, Kakashi, Kaki, Kaku, Kaka, en tout cas, ben, c'est le troisième sexe. Non, ça, c'est Indochine. Ben, voyons donc, non. C'est pas de Marguerite. Ben, attends un peu, là, il faut voir. Est-ce qu'on peut voir Marguerite de Beauvoir? Non, on peut pas la voir, elle est morte. Ah, mon Dieu. Alors, c'est un sac de démarrage. Alors, je raconte rapidement, là, avant d'éternuer. C'est quelque chose qui va allumer l'animateur, comme s'il avait besoin du bois d'allumage. On a coupé. Les gens n'ont pas entendu, mais les gens ont vu. Et quand on voit puis on n'entend pas, ça n'a pas existé. Il faut voir pour le croire. On ne dit pas qu'il faut l'entendre pour le croire. Là. Vous n'avez rien entendu. Qui l'eût cru? Personne. Personne. Personne n'y croit. Parce qu'ils ne l'ont pas. Il faut visualiser. Mais quand tu es un non-voyant, hey, attends un peu, un non-voyant là, est sensoriellement supérieur à tous les autres. Moi, je suis pas un non-voyant, moi, je suis un tonteux, moi. Ah, je tente tout. Je tente tout. Je tente l'art dramatique, je tente la littérature. Je tente, mais je suis comme un brouillon de tentage. C'est-à-dire que je m'épanouis pas vraiment. Je suis dans plein de chemins, mais j'arrive jamais au bout. Heureusement, parce que c'est le précipice. Parce qu'on sait très bien que la Terre n'est pas ronde. La Terre, c'est une genre de pizza. Puis, oui, pizza. Très bizarre. Là. Oui, c'est ça. C'est avec les croûtes, là, mais sans qu'on passe le couteau là, pour définir les pointes. Mais on va partout, on défriche. Hein? Dans le milieu de la pizza, on dit « Défrichons notre pointe! » Et si c'est la pointe de l'humour, ben là, on va aller très loin. Et si c'est la pointe dramatique, ben là, ce sera bref et brechetien. Et quand c'est court, c'est pas très nourrissant. Ni pour l'âme, ni pour l'appétit. Donc, la phrase, excusez-moi, hey, on était sérieux là, pendant 15 secondes. Non, c'était 3. 3 secondes et demie. 4, ah, ça m'a paru 2 heures et quoi? Et quoi? Et à quoi bon dire des choses si on n'y va pas directement? Ben voici, voici. OK. Alors, j'ai mon sac de démarrage. Et j'ai déjà je noie mon mot en mando. Et c'est un mot mystère. C'est écrit... Garde, regarde. Alors là, je dois expliquer, parce qu'on nous visualise partout. Oh. On nous écoute, on nous regarde, on nous entend. J'espère qu'on nous entend si on nous écoute. ça va avec, hein? Pas nécessairement. Oui, mon cher monsieur, je vous syntonise en faisant mon grand ménage. Oui. Et donc, avec mon ménage, oui, votre ménage, mais mon mari, on est un grand ménage, un gros ménage, nous autres. Ah oui, on fait des gros ménages. Il y a ma fille, Gustine. En mon doux. Et mon frère, Langoustine. En mon doux. Et mon conjoint, Langoustine. Ah, chez vous. Et moi, c'est Justine. Oh, êtes-vous... Oui, c'est Justine de Sade. De Sade. Sade, Justine. Oh oui. Alors, je suis dans le boudoir. Avec Sad, oui, dans Justine, OK. Et là, c'est garde, regarde. Alors, une garde, c'est une infirmière. OK? Alors ça, c'est extrait d'une chanson de M. Péloquin, Claude Péloquin, qui dit « Garde, regarde ». Et là, ça m'a comme quoi? Ben, ça comme, je sais pas, moi, ça m'a comme. Moi, quand ça m'a comme, je vais plus loin parce que je me dis, faut pas rester dans le point com. Faut www notre idée pour enfin rentrer l'adresse et terminer par le point. Le point quoi? Ben, .fr, .com, .ca. Puis là, c'est quoi? C'est point final. Ils sont fanatiques, je suis fanatique, au pays de Superman. On every morning, I try to build my body. Every night I hope to swear. I hear free chicken, blowing out by Eddie. Everybody will know my name. I live for play the Superman. He's more like Superman. Ils sont fanatiques, je suis fanatique, au pays de Superman. I jump on the dishes, I swallow every meal I smell. Mad and bogging, let it fade. Feed me until I feel so well. Pompeii the Silver Man is the land of Superman. He's so fantastic and just fantastic, Pompeii the Silver Man. On every night, I stare at the mirror. Every time I look the same, I'm not as strong as the million. Toi, t'es pas nouvelle dans le métier, c'est-à-dire que tu travailles depuis longtemps l'humour, t'es une féministe et une revendicatrice. Si, je suis nouvelle dans le métier quand même. Je suis très très nouvelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait longtemps que j'ai cette vocation-là, longtemps. Et comme beaucoup de personnes certainement se disent, je ferai ça plus tard, fais tes études d'abord, je ferai ça, je ferai ça. Et il y a un accident de vie qui a fait que je me dis plus tard, c'est now. Tu vois. En français, c'est now, c'est aujourd'hui. Maintenant. Ah, d'accord, merci. C'est maintenant. Okay. Et donc, ce qui fait que je m'y suis mise sérieusement. Et moi, je suis le type de fille à avoir besoin d'une structure. J'admire les gens qui se lancent comme ça, sans aucun contact, aucun conseil, aucune chose. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai eu besoin de me rattacher à une structure qui a été l'école du One Man Show. À Pigalle, justement, qui s'appelle qui est relié au café théâtre Le Bout à Pigalle. Le Bout, voilà, comme le Bout. B-O-T, un bout. Et voilà. C'est oui, vrai, okay, oui, okay, c'est okay, vrai. Okay, ok, donc un café théâtre Le Bout. Quel bout? Et le bout de l'humour. Le bout de l'humour, okay. Voilà, forcément. La lumière, le bout de la lumière. Voilà, le bout, okay. du tunnel. Okay. Et donc j'ai vraiment tenu à me former sur l'écriture, sur... Mais ça c'est privé, là, c'est des cours privés, donc ça coûte beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Ah bah oui, ouais. Est-ce que c'est des gens reconnus qui enseignent? Ah oui, c'est des gens qui sont dans le métier, qui sont eux-mêmes sur scène, qui connaissent, donc c'est ça que j'ai aimé. On est très très proches des profs. Et moi, j'ai senti ce besoin de me former. De me former, je voulais vraiment prendre mon temps pour faire mon one. J'en vois tellement qui se lancent en 7 mois sur leur spectacle. Et j'ai envie de leur dire, mais trompez-vous avant, trompez-vous. Mais, hein. mais bébé, arrête, quoi. Apprenez, arrête, c'est tellement dur. Prends le temps de te prendre des claques, etc. Et donc là, je dirais que je me suis fixé 2011, l'année où tout va exploser. Mais c'est cette année-là. C'est cette année-là. Et nous sommes rendus dans le nombril de 2011, le juillet, c'est le nombril. On est plein dedans, okay. Plein dedans. Donc là, c'est la pleine explosion. On est au cœur du noyau. Mm. Et donc ça va partout, en fait. J'ai mon one que j'ai lancé, qui commence vraiment à... Et là, c'est ta combienième représentation ce soir, 6 juillet, là? Donc ça va être quelque chose comme même pas la dixième. Tu vois que c'est tout frais, tout neuf. Est-ce que ça se modifie encore ou si... Oh là là, si tu savais. Est-ce qu'il y a de l'improvisation? Ah, une petite partie quand même. Okay. Une toute petite partie, ouais. Mais pas beaucoup. Si, parce qu'il y a de l'interaction avec le public, donc forcément il y a de l'impro. Ok. Voilà. Et donc il n'y a pas une fois où j'ai joué pareil. En fait, moi j'admire les gens qui partent avec leur one pour 5 ans sans bouger d'une virgule. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est pas possible. Dieu merci. Non, non, mais pour l'oxygéner le spectacle. Et donc il a déjà énormément évolué. Beaucoup, okay. Beaucoup, beaucoup. En 10 spectacles, en 10 représentations. Mais oui, même en 2, il avait déjà évolué. Même en 2. Mais il y a beaucoup de pratique aussi là, avant de se lancer devant le public. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Ouais. Puis on a le feedback aussi, le retour du public, dont il faut tenir compte en fait. Qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que le one, ça serait bien trop. Mais tout d'abord, tu es originaire de Paris, non? Je suis née à Paris. Mais c'est Sophie, on prononce comment? Je ne voulais pas massacrer Maes. Maes, M-A-E, alors avec un tréma. Avec un umlaut sur le E, oui. Un tréma, ben oui, parce ben que oui. C'est d'origine oui. Flamande, vois-tu. Oh, alors vous êtes belge, ma chère. Mais je ne suis jamais allée en Flandre, figure-toi. Non, mais jamais. Tes parents sont belges. Mon père, du côté de mon père, certainement, oui. OK, mais pas ton père en tant que tel. Lui, il est né en Il est né à Paris. À Paris, ouais. Okay, t'es une Parisienne. Ah oui, complètement. Et ouais, qu'est-ce ouais. qui te plaît à Paris? Ben, c'est que j'y vis pas. OK, tu es où actuellement? Là, nous sommes où? Alors, nous sommes à sur Paris, la terre, oui, mais okay. Moi, je suis Seine-et-Marnaise. Oh là là, Seine-et-Marne. Eh oui, la Seine-et-Marne. De, c'est où de cœur et d'adoption. Pour les Québécois, c'est juste à une quarantaine de kilomètres à peu près de Paris. Est-ce que c'est près du soleil? Mais c'est près de Disney surtout. Oh, OK. C'est près de Disneyland Paris. Okay, c'est ouais. Ça, en fait, le repère. Et je tiens à être détachée comme ça. Tout le monde me dit, mais viens sur Paris, ça sera tellement plus pratique. J'aurais dit déjà d'une, les gars, l'appart, c'est pas les mêmes prix. Non, non, et non, je tiens à être reculée, à avoir un peu un sas de décompression. J'ai ma famille là-bas, etc. Donc pour l'instant, c'est en une heure de voiture. Des fois, pour aller d'un... Ok, t'as une bagnole, alors mais tu oui, peux te déplacer. Elle est garée pas très loin. Même, ok, ben oui, il faut la cacher. Et d'un bout à l'autre de Paris, des fois, tu mets déjà trois quarts d'heure, une heure. Donc... Thank you.

Ouais, c'est le Nirvana, hein, mon Gaétan? Ben, moi, je te dis pas c'est le Nirvana, c'est Kurt Cobain. C'est Kurt Cobain. Kurt Cobain, c'est le Nirvana, ah oui. Les initiés le savent, mais les autres ne le savent point. Et nous allons leur dire la vérité. Oh, je le jure, je le... Ben, enfin, on n'a pas à le jurer parce que c'est la vérité. Oh, OK, c'est vrai. Alors, si Kurt Cobain existe sur la planète musicale, c'est grâce à qui? C'est grâce au public. Oui, mais avant le public. Aux albums. Oui, mais avant les albums. Aux concerts. Oui, mais avant les concerts. Les gens qui l'ont entendu pour la première fois? Oui, c'est qui? C'est eux. Moi, je vais prendre deux teux bien tournés, s'il vous plaît. Oui, mais il n'y en a plus. Ah, mon Seigneur. On va prendre des coques. D'abord, s'il n'y a pas des œufs. Non, on va prendre des poules. Des poules. Des, de luxe, s'il vous plaît. Sans plumes. Non, nous, on ne veut pas les déplumer, là. On les veut déjà sans rien. Ah, mon Dieu. La peau vive. La peau vive, la chair vivre. Voilà qu'elle veut vivre maintenant. Solennellement devant la fourchette et le couteau. Hey, je veux venir végétarien, moi, là. Non. Non. Ils sont déjà terminés, là. Ils ne bougent plus. Ils ne font plus pot. Ils n'en font plus ça. Ils ne font plus rien, seulement s'apprêter au plat. Ah, mon... Elle s'étale. Ah! La poulette s'étale. Mais là, il y a... Oui, elle s'étale. Excusez-moi, madame. De rien, monsieur. Merci, madame. Brave monsieur. Merci. Vous êtes un gentleman. Un plaman? Un plumeau, un gentleman. Non, c'est un gentleman. Vous êtes un... Oui, merci. Alors, Sonic Youth. C'est grâce à Sonic Youth, c'est Kurt Cobain. C'est le cœur de Kurt Cobain bas. Sinon, ben, c'était le silence total. C'était un sommeil profond. C'était la mort. C'est beau. Là, ici, maintenant, très beau. C'est vrai, c'est grâce à qui? Ben, tu m'as dit UNESCO. Ben, non. J'ai dit, c'est grâce au poulet. Eh, mon Dieu. C'est belle et cute. Non, c'est Sonic Cute. Oh. La chanteuse, la maître chanteuse. Et c'est elle qui chante. Non, c'est pas elle qui a... Non, c'est pas elle. C'est pas tellement elle, là, mais c'est peut-être le groupe au complet qui a découvert ce chanteur nébuleux, sombre, qui, à un moment donné, dans les années 90, a inventé la grange. Non, c'est pas la grange. Oui, avec les vaches, les taureaux. Mais les taureaux vont pas dans les granges. Il y a des vaches, il y a des chevaux, oui. Il y a de la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu un petit coco. Non, elle a pondu. Elle a pondu un coco brand qui a un bobo. Il y a eu un bobo coco brand. C'est Courtney Love. Ah, mon Dieu. Elle portait mal son nom parce qu'elle l'aimait pas très bien. Elle l'aimait dans un sens... Oui, c'est comme... Tu sais, quand tu dis « flatte-moi dans le sens du poil ». Oui. Ben, Kurt Cobain, là, il se faisait flatter dans l'autre partie. Ah, mon Dieu, c'est quoi? C'est le postérieur? Non, l'autre partie du poil, là. C'est le contre-poil. Ah, mon Dieu, je connais le contre-champ, le champ, l'intérieur-champ, puis le... Comme au cinéma, là. Il y a quoi? Il y a le champ et le hors-champ, oui. Et il y a le hors-norme, mais ça, c'est mon émission, OK. Alors là, ici, maintenant, à Tribune, c'est bravo, c'est excédentaire, merci. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas. Là, ici, maintenant, à Tribune, la place... Qui? Charles Bukowski. On l'a pas nommé encore, là. Vous précédez la lecture. Ah, ben oui, mais on est habitué, le public connaît. Oui, disons. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Et qui? Une improvisation, oui. À partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, il Buck ici, là. Parce que Vicky, c'est Vicky, c'est pas Vichy. Parce que Vichy, c'est par ici et Vicky, c'est par là. Alors, Vicky C'était bon, la chanson. Oui, c'était très bon. Vicky était une fille. C'est très bien de savoir ça, là. Dans l'impro, là, c'est pas un garçon, Vicky. Quoique, j'ai jamais entendu Vicky dans un prénom masculin. Vous avez raison, mais Vicky, ça a été le toutou de Japy Toutou. Ah, c'est vrai, hein? Viens-t'en, Japy Toutou. Viens-t'en, Vicky, Japy Toutou. Ben, c'est soit Japy Toutou ou Kiki. Mais non, c'est pas Kiki, c'est Vicky. OK. Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui. Quand Vicky revenait à... Non, c'est pas ça. Elle revenait souvent le soir, quelquefois le matin, rarement le jour, parce qu'elle dormait le jour. Et elle se cherchait toujours à s'exhiber devant un contre-jour, puisque le soir, elle était la vedette. La grande vedette de cette salle obscure que l'on appelait la Dances Baby Dolls. Oh, mon Dieu! Elle était en quoi? En Baby Dolls? Non, en danseuse. Oh! Elle dansait sa vie. Elle dansait notre vie. Elle parlait de nous. Elle était une humoriste, oui. Une humoriste qui cherchait l'humour. Oh, mon Dieu! Et ça, c'est comme le toutou qui cherche son os. Non, parce qu'elle cherchait, mais elle l'avait trouvé. Mais elle s'exhibait devant ce public-là pour avoir le fil conducteur de sa séance qui était à chaque fois unique. Alors, tu pouvais la voir 30 fois en 45 jours et c'était 30 spectacles différents. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, là. C'était donné à Vicky, mais Vicky était en haut de toutes les vedettes. Tu pouvais la comparer à Raymond Deleuze, à Kate Lavalleuse. Kate Lavalleuse avait... la fin, c'était... Ouais. Avale tout, là. Mais... C'est presque bien parti, hein? Oui, presque. Mais c'est pas vraiment, hein, monsieur? C'est presque bien parti, hein? Merci. Non, mais on était dans la continuité. C'est presque la fin, monsieur. Vous intervenez vers la fin, mais vous êtes en décalage, c'est très bien. Mais cette danseuse-là, qui cherchait quand même à avoir un succès, parce qu'elle se disait que toute sa vie, elle allait faire cette carrière-là, mais cette carrière-là n'est pas donnée à tout le monde. Quoi qu'on la donne jamais, là, il faut chaque fois la puiser et s'épuiser devant un public qui en veut davantage. Et plus il en veut, et plus elle en donne. Et plus elle en donne, et moins elle en a. Moins elle en a, plus elle s'effrite. Et c'est comme ça que Vicky m'a quitté. Frite, quitte. Ah oui, c'est vrai. Ne t'effrite pas. Je te raconterai des choses insensées. Le sens unique, non? Insensé. Je me cacherai là à te voir rire et te voir compter tes dollars et tes rires. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Quoique son chien s'appelait aussi Vicky. C'était double Vicky. Parce qu'il voulait pas, surtout elle ne voulait, elle et lui ne voulaient pas qu'il y ait une comparaison, là, ça paraissait étrange. Quand on criait Vicky, le chien répondait pas. Quand on disait double Vicky, ben là, la chienne s'emparait de cette effervescence qui la titillait, puisque on l'avait endoctrinée, là. Vicky, double Vicky. Ben. Et tu parles, moi, je trouve ça incroyable, les gens qui surnomment leur chien, hein, qui surnomment leur chien comme des prénoms d'humains. Mais mettez des gants si vous voulez pas être une humain. Parce que c'est inhumain d'appeler un chien Reynald, une chienne Reynaldine, un cochon Reynald, une cochonne. Quoique les cochonnes, on les aime. This is a warning shot. your final call. Final call. An empty mold. Ça me dérange pas de rester en Seine-et-Marne. Et je suis sénémarnaise depuis 76. Oh. 1976. Okay. Donc là, fatalement, en fait, les auditeurs, ils vont calculer. Ça veut dire qu'elle était déjà née. Ils calculeront pas. Oh. Ils calculeront pas, voyons. On parle avec le cœur ici, à Errance Renaldienne, à mon émission. C'est une émission... singulière, où il y a beaucoup d'improvisation et surtout on laisse aller les acteurs, les comédiens, les comédiennes, les chanteurs, les peintres, les bédéistes s'exprimer. Donc c'est un endroit où on peut tout faire, se tromper, rire, prendre ça relax, quoi. Puis on est ici aussi pour présenter les gens comme toi, Sophie. Et ça m'a fait ce qui m'a surpris, c'est que tu sois surprise que je m'intéresse à une fille qui prépare, qui est en plein cheminement pour un one-man show, éventuellement peut-être plus flamboyant, mais écoute, c'est pour ça qu'on est ici. Eh bien, c'est fabuleux. On est pour présenter, pour mettre en lumière les gens qui vont peut-être être les vedettes de demain et qui seront les vedettes de demain. Mm. Donc, c'était là pour premièrement te présenter et surtout offrir au public ce que tu veux amener aux gens qui veulent se présenter un jour et te voir peut-être même à Québec. Ah ben, fabuleux! Alors oui. Là, ce serait un de mes plus grands. On sait jamais. C'est le continent, le pays, je sais pas, c'est la planète. Moi, c'est comme ça que j'appelle un peu la planète Québec. C'est vraiment, pour moi, ça reste le dernier... bastion de la francophonie. Et puis surtout, le dernier endroit que j'ai envie de visiter sur Terre. Ok, t'as jamais visité Québec? Ah, jamais. Okay. Jamais. Je suis allée dans le nord, aux States, aux États-Unis. Oui. Mais je me réserve là pour vraiment la... Tu voulais rencontrer Frank Sinatra? Il est un petit peu plus là. Était-il vivant à l'époque? Pas du tout, non, j'y suis allée en 99. Ok. Alors donc, tu es d'origine belge, D'origine flamande, exactement. Flamande. Attention, la Flandre et la Wallonie en ce moment. Oui, effectivement. Tu sais que c'est un peu... D'origine flamande, tout simplement, mais voilà, juste des origines, c'est anecdotique, en fait. Ben sur ton le nom que tu... que Maï, c'est quand même référent de c'est ce vrai. Que tu es. Donc, ensuite, tu as vécu à Paris, tu as grandi à Paris, tu as voulu vivre, mais pas en banlieue, hein? En banlieue? Non, c'est vraiment en Île-de-France, on va dire. En Île-de-France. Et ensuite, tu as fait plusieurs métiers, sans doute? Oui. Moi, je suis vraiment la fille qui se cherche, la fille... Mon père disait, quand j'étais gamine, toi, on va te faire faire le bac Z. Alors, ça vous dit peut-être rien là-bas, à Québec. Mais en tout cas, on avait, à l'époque où je passais mon bac, une dénomination pour chaque bac. A, littéraire, etc. Et pour dire que je m'intéresse à tout. Je suis vraiment la genre de fille qui m'intéresse à tout, qui me passionne pour beaucoup de choses. Depuis que je suis ado, je sais que je vais aller dans ce domaine-là. Je sais que, ce que je dis toujours, Dieu ne m'a pas donné mon physique pour ne pas en rire. Tout ça. Quoique, on parlait de Coluche. Eh oui, mais oui, voilà. Si tu n'as pas de physique, tu n'as rien. Là, c'est le physique qui... c'est la première carte que tu présentes au public. Mais c'est clair. Mais parce que là, moi, ce qui m'a fait rire tout à l'heure quand je t'ai rencontré, parce que sur des photos, la grande Sophie, je me suis... à peine baissé. Mais pourquoi la grande Sophie? C'est encore un jeu de mots La presque grande Sophie. Est-ce que la grande Sophie sait qu'il y a une presque grande Sophie? Pas du tout, non. Non, okay. Parce qu'elle est dans un domaine complètement différent, la chanson. Mais toi, t'en fais où ça à travers ton spectacle? Il y en a une toute petite partie dans le spectacle, vraiment un moment très spécifique, parce que j'adore et je sais que l'année prochaine, je vais aussi me fixer comme défi de me former dessus. Parce que j'adore la chanson. Ah ouais, j'adore. Okay. J'adore. Et donc, je voulais insérer comme ça, juste une petite partie chantée. Mais non, bien sûr, d'où elle me connaîtrait. Elle a certainement sa carrière. Non, mais peut-être sur Internet, elle va faire une grande Sophie pour voir. Puis là, presque la grande Sophie, c'est pas moi. Elle va cliquer, elle va te voir. Voilà, presque. Elle va peut-être t'écrire et t'envoyer, je sais pas. Je trouve en fait que la presque grande Sophie, ça me correspond tout à fait parce que... Donc la presque grande par rapport à mon physique, je suis très très très très petite. No. I was having this discussion in a taxi heading downtown, rearranging my position on this friend of mine who had a little bit of a breakdown. I said, hey, you know, breakdowns, common breakdowns go, so what are you gonna do about it? That's what I'd like to know. You don't feel you could love me, but I feel you could. It was in the early morning hours when I fell into a phone call, believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I wanna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. I heard this voice say, say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute. I said, why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you could. Le vent souffle en arrière.

sais rien. Et je ne le saurai jamais parce que tu es mort. T'as du talent d'homme. T'as du talent. Du talent. Et j'avais vraiment envie de le dire, ça fait vraiment longtemps. Pourquoi maintenant? Si maintenant je le dis, c'est qu'avant je savais pas comment. Du talent d'homme. Du talent, ce qu'ils étaient marrants, ces moments, si souvent je les entends. Je m'en rappelle tout le temps, c'est marrant, ça dépend des moments. Ça m'effraie, ça me reprend, je les entends. C'est la vie ici sans toi, c'est plus vraiment comique. La musique, elle tombe plus vraiment pareil, tout ça un peu tragique. Presque grande, il y a aussi cette idée de d'aspirer à un jour, la presque grande peut-être un jour. Donc moi j'ai adopté, en fait c'est mon metteur en scène qui m'avait un jour parlé de ça. Lequel? À l'époque je travaillais avec William Pasquet qui a été un de mes premiers profs, qui est vraiment une personne adorable, qui a beaucoup d'expérience dans le métier. Et comment tu t'as connu lui? Est-ce que c'est toi qui? Parce que j'étais à l'école du One Man Show. Ok, en fait. Ok. Ça a été mon premier prof. Le Bout, c'est ça? Le Bout, okay. À Pigalle. Ok, oui. Et donc c'est lui qui a lancé une folle idée. J'ai dit banco, je prends, ça me plaît énormément. Donc depuis voilà. Et on met un temps avant de faire que les gens t'appellent la presque grande Sophie. Et il faut se battre des fois quand on présente sur scène Sophie. Non, non, pas Sophie, la presque grande Sophie. Et maintenant, on m'appelle même la presque des fois. Ah. Voilà, la presque. Donc c'est de plus en plus raccourci. Ben, c'est bien parce que ça te représente rapidement, la presque. La presque. La presque, on ne sait pas. Oui. Il y a Alain Lepreste et il y a la presque. Voilà. Donc, c'est ça. Donc voilà d'où vient les origines de ce mot, de ce nom, de cette appellation tout simplement. Et tranquillement, grâce à l'école d'humour dans laquelle tu as travaillé, tu as développé un spectacle. Absolument. Et pourquoi avec une orientation féministe? Parce que tu es une fille sans doute. Alors, c'est marrant parce que c'est quand tu m'en parles que effectivement, je me rends compte qu'il y a peut-être une orientation féministe dans mon spectacle. Pourquoi? Parce que je parle... tu as bien vu que le thème du One, c'est un One TV show. Oui. En fait, donc c'est beaucoup, beaucoup de l'autodérision, une loupe sur l'univers de la télé française. Mais c'est des personnages que tu fais. Oui. Il y a du stand-up, il y a aussi des sketchs. Il y a vraiment des deux. Et c'est une analyse de l'écran plat, en fait, de la télé qui est un univers de dingue. Vraiment dingue. Godard disait que ça créait l'oubli. La télévision crée l'oubli. Tu fermes ta télé, tu te souviens plus de ce que tu as vu. Il y avait Complètement, bien sûr. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. Et donc, c'est vrai que quand tu m'en parles, je me rends compte finalement, oui, il y a une vue sur une personne qui congèle ses enfants, donc une femme un petit peu tarée, qui est largement puisée de l'actualité de l'année dernière et de cette année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas, on en a beaucoup parlé. C'est vrai. Déni de grossesse, tout ça. Excuse-moi, veux-tu boire un petit quelque chose? Oui. Je vais prendre un... Je prendre un hectare, oui. Oui. Mademoiselle, bonjour. Bon, un hectare d'abricot, s'il vous plaît. Ah, oui. OK, alors on poursuit, oui, l'année dernière. Donc l'année dernière, il y a eu énormément de cas, il y a eu des procès, etc. On est un petit peu, c'est un petit peu, je veux dire, des modes médiatiques où on s'accentue en ce moment, c'est DSK, donc l'harcèlement sexuel, etc. Avant qu'on commence les élections 2012, mais il y a comme ça des sujets sur lesquels les médias se centralisent. Concentrent. Oui. Et l'année dernière, c'était énormément ces cas d'infanticide, de délits de grossesse, etc. Donc j'ai un personnage complètement barré. J'ai quoi d'autre comme personnage ? Une mère qui est devenue adophobe, qui ne supporte plus les ados, de fait. Parce que toi, tu as sans doute des ados ? Parce que je m'inspire aussi de beaucoup, j'observe énormément. Et as-tu des enfants quand même ? Non, j'ai un neveu et une nièce qui ne sont pas encore adolescents, d'ailleurs. Okay. Qui vont entrer dans cette période ingrate. Ben, ça t'est pas pour qui ? Mais peut-être qu'en 2011... Alors, trouve-moi, Rénal, trouve-moi quelqu'un qui est super content de son adolescent. Là, je te laisse, vas-y, en 2011, non, je te laisse 10 minutes dans la rue, là. Oui, tu parles en 2011. En 2011. Et parce que... D'abricot. Merci. Parce que, à mon époque, moi, je suis né en 67. Je crois que cette transition-là est uniquement pour enrichir les psys, puisqu'il n'y a pas tant de troubles que ça, mais on nous l'implique, on nous l'amène tellement, mais ça, c'est l'adolescence, c'est l'âge adulte, on doit avoir des troubles adulte. Troisième âge, on doit avoir des troubles lorsqu'on a... Et c'est, à mon avis, c'est pour faire travailler ces gens qui se concentrent sur le malaise de l'esprit du genre humain. Parce que dans le fondamentalement, il n'y a pas vraiment la crise de la quarantaine, je n'ai jamais senti. J'ai 44. Crise de l'adolescence, j'en ai jamais eu. C'est peut-être pour amener des gens à faire des sous. Non? Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On se crée des maladies. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler du déni de grossesse, parce que pour moi, c'est typiquement le genre de maladie qu'on se crée, nous, les 20% de privilégiés sur cette terre, qui mangeons, qui avons le temps de se regarder le nombril et de se créer des maladies. Juste cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être. It casts a spell, it rings a bell, the magic touch. Oh, when I feel your charm, it's a like a fair alarm. You made me thrill so much. You've got the magic touch. Here I go reeling. Oh, I'm feeling the glow. But where can I go from you? And then I felt your touch, and now I've learned I can return the magic touch. Here I c'est vraiment cette vision-là pour moi. Et en fait, je me rends compte, oui, avec le recul, que ça parle pas mal d'ados quand même. Ça les casse pas mal, mon spectacle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai une petite idée. Mais c'est la télé aussi hein, qui engourdit l'esprit des ados, les jeux vidéo, Internet, envoyer des fax. C'est incroyable. Hein? Tu prends le métro, là, elle à gauche, elle envoie des textos, l'autre à gauche envoie des textos, et le gars dans le milieu qui a 90 ans, mais bien sûr. Merci. Attends que ça passe. C'est clair. D'arriver. C'est incroyable. Ouais. Donc, il y a trois humains qui communiqueront jamais ensemble. Absolument. Mais via le cybernétique, ont des liens avec des êtres. Trop de communication tue la communication. Oui, voilà. C'est complètement ça. Hein. Donc, Et toi, tu observes ça, et d'un point de vue de fille, de féministe, tu en parles, mais d'une manière détournée, changer la lorgnette pour trouver la lumière de l'humour là-dedans. Absolument, oui, oui. Et surtout, mon expérience propre fait que je me retrouve donc à, allez, je peux le dire, 41 ans. OK, ben, je suis plus vieux que toi. 41 ans, donc sans enfant, pas mariée. À me lancer, à faire ma crise d'adolescence, finalement. Ok, tu es en pleine crise d'adolescence ah, actuellement. Oui, complètement. Okay. Oui, okay. Oui. Et c'est marrant parce que ma sœur, qui elle maintenant est rangée, a deux enfants, etc., a vécu une jeunesse où elle a bien profité, me dit maintenant que c'est toi qui vis une vie de patachon. Donc, mais que tu aimes, que tu revendiques. Ah, mais oui. Ben, en étant non. actrice, il faut être un peu aussi vagabond dans l'âme, Complètement. Aimer rencontrer les gens. Oh, oui. Et je me retrouve donc à 40 ans à voir autour de moi que t'es un ovni si à 40 ans t'as pas d'enfant, ah oui. T'es pas marié ou t'es pas divorcé ou quoi. Tu dois rentrer dans des schèmes. Mais complètement. Mm. Ah ouais, complètement. Et moi je refuse ça. C'est quand je vois surtout ces femmes qui exhibent tous leurs enfants là dans leur poussette. Mm-hmm. Voilà. Et même les hommes, alors qu'on regarde des fois Florence Foresti en parle très très bien. On se rend compte qu'ils arrêtent ça, c'est pas si rose que ça, et on sent des fois des gens qu'on croise à l'intérieur, c'est le grand sourire, mais c'est on c'est sent, on sent qu'ils crient au secours. Ouais, c'est le cauchemar intérieur. Ouais, c'est clair. Donc moi c'est ça un peu, j'avais envie de prendre en photo en fait et d'expliquer voilà que je ressens ce regard là et j'ai envie de dire non le but de la femme c'est pas forcément d'avoir un enfant et d'être mariée et tout. Alors effectivement peut-être que ma fin de vie sera pas la même, même si effectivement qui dit qu'éventuellement tu ne trouves pas un homme et à un moment donné le lien, les enfants et peut-être tu peux embarquer dans la gamique toi aussi, tu peux embarquer dans le cycle sociétal qu'on exige de tout, de la majorité. Si tu es en marge, ben là tu es vu, tu es pointé du doigt, c'est toi qui es le petit canard boiteux, c'est pas toi qui suis le troupeau. Si t'aimes pas Céline Dion, t'es quelqu'un d'exclu de la société, c'est épouvantable. Là. Et j'en fais partie, là. Un anti Céline Dion, c'est moi. Là. Oh et donc c'est ça, si pour toi ta vie c'est autre, construite sur autre chose et avoir une vision qui est peut-être un peu plus singulière, ben. Mais j'ai toujours, moi je me suis toujours sentie différente, toujours. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours été, je me suis sentie différente. Et c'est toi qui écris tes textes? Ah oui. OK. Et comment ça fonctionne? T'es seule dans ton appart ou s'il y a des gens autour? Là tu dis, oh j'ai un bout de phrase, puis là si ça arrive, tu l'ajoutes, tu modifies, quelqu'un dit, ah oui mais là ça serait mieux. Puis, est-ce que c'est comme ça? Ça vit un texte, ouais, forcément. Tu as les premières idées que tu mets sur papier. Et seul puis après, ou avec des gens pour lancer le moi, souvent seul. Après, la deuxième étape, c'est de confronter ton écriture à d'autres oreilles. Donc là, pour mais avoir à des gens qui ne sont pas dans le milieu, là? Pas forcément. Okay. Ouais, pas forcément. Ou sinon, des gens du milieu aussi. Okay. Et comme j'avais des profs en écriture, donc on a aussi pas mal travaillé ça en atelier. Mais maintenant, j'ai aussi rencontré quelqu'un, alors je ne sais pas si tu la connais sur la scène française, qui s'appelle Christine Béraud. Je crois qu'elle fait des one-man shows. Ah bah oui, elle fait son one, elle a aussi lancé le Connasse Comedy Club. Elle est amie avec Bérangère Krief, qui est une humoriste montante. Nadia Rose, Anne-Sophie... We'll be right back.